Au bout du lac se trouve la ville qu'on appelle Genève. On refait le monde au Posca, on boit de la vodka. Une doudoune et pas costard, welcome to Moundou. Le préau en carte postale, la drogue se refourque. Les petits jouent au foot et se prennent pour Drogba. Les parents faiblissent, y'a du cancer et du cognac. J'suis le filon du barman et le cauchemar du concierge. J'ai la maille en vitesse, entre clochard et Bentley. Bref, je l'aime, demande à Bender. C'est une force speed sur les autoroutes, l'essence dans le ghetto raid. Crache la fumée par les balustrades, vois pas plus loin que nos esplanades. On a le moral dans la soute, alors on se barre à Los Angeles. Fais pas les chemins de fer. Les bouts sous les sièges, les yeux pleins de cernes, la flemme, les nerfs et le stress. Nous on parle mal au thermomètre, abrite une tornade sous la veste polaire. Ma ville c'est plaie, c'est belle silhouette, c'est fantôme dans le tramway. La drogue est train de vie, trouve notre caractère, man. Genève ma capitale, mon immeuble un building. On fait pas partie de la Suisse, et ça je sais depuis que je suis petit. 0-22 mon 12, mec c'est le stress qui règne. Je crache comme un jet d'eau, le bédo fait respirer. Genève ma capitale, mon immeuble un building. On fait pas partie de la Suisse, et ça je sais depuis que je suis petit. Je suis la anti-zélvétique, du carburant dans la vessie. On tape dans le système, débrouillard. Ma ville Genève, ses banques et ses artistes méconnus. Ses cas sociaux s'associent à la jeunesse qu'elle a laissé couler. Sa peine, elle a refilé aux suicidaires. Ça traîne chez les Santa, fait des arrois chez eux, celle qui l'a suscité. Man, c'est coin sale, elle les a donnés requérants d'asile. Et sa faute villa playa aux parents d'enfants nazis. Elle a pourtant essayé de nous mettre à l'aise, mais elle a pas empêché que le juge du coin traite mes petits de nègres. Elle nous a vu naître et pourtant grandir. Pourtant maintenant on vieillit dans la solitude. Tous les tout et seuls, ouais seul ça tisse. Elle a donné à nos parents le nettoyage comme seules études. Elle mouille comme échippée, traite la croix blanche au pot rouge de pute. Elle a mis mille problèmes dans le même immeuble. Sans meurtre, on traite de motherfuck. C'est un quand les jeunes traînent en meute. Mat, elle dit que ça sent le roussi, pour nous c'est réciproque. La foi c'est à notre rouge, Genève smug, des malheurs et réside des proches. Genève ma capitale, mon immeuble un building. On fait pas partie de la Suisse, et ça je sais depuis que je suis petit. 0-22 mon 12, mec c'est le stress qui règne. Je crache comme un jet d'eau, le bédo fait respirer. Genève ma capitale, mon immeuble un building. On fait pas partie de la Suisse, et ça je sais depuis que je suis petit. Je suis la anti-zélvétique, du carburant dans la vessie. On tape dans le système, des brouillardises, notre avarice égale ici. Genève, j'en place une pour les équipes de tous les quartiers. Les vrais types qui se relèvent quand ils tombent par terre pour repartir. Ceux qui participent, ceux qui restent, pas ceux qui se barrent d'ici. Ceux qui savent la victoire loin d'être inaccessible. Marécage, street, le rap, c'est pas du casse-pipe. Il me faut du taf, bitch, et ça tu l'entends dans chaque titre. Dans nos salles street, man, on a les keufs comme arbitre. Y'a des tas de connards, mais je l'aime car c'est ma vie. Je viens de Genève et ses petites ruelles, là où y'a plus de pucelles. J'tise le sky à cul sec, merde les keufs à coup sûr. Des banques et des travelots. Welcome, moi j'grogne, ouais j'louve, ça se cogne pour ouais loup. Le cœur gelé sous ma veste en cuir, j'pèse mes coronets. Claque le colonel, même les petits disent la corona. J'traîne avec des corrompus, j'suis dans mon cocon fils. Sur le Coran frère, ça pue la vibe de Colombie. Genève ma capitale, mon immeuble un building. On fait pas partie de la Suisse, et ça je sais depuis que j'suis petit. 0-22 mon 12, mec c'est le stress qui règne. J'crache comme un jet d'eau, le bédo fait respirer. Genève ma capitale, mon immeuble un building. On fait pas partie de la Suisse, et ça je sais depuis que j'suis petit. J'suis la anti-zélvétique. Carburant dans la vessie, on tape dans le système. Des brouillardises, votre avarice c'est égal d'ici. Actuel, il n'y a pas grand chose à prendre, les meubles se revendent. On se sert donc sur les revenus. Le principe est simple, on vous laisse un minimum vital de quoi payer la nourriture et le logement. On tient compte encore de certaines dépenses comme la caisse maladie. Le reste est saisi tous les mois sur votre salaire. On rencontre parfois son destin sur les chemins qu'on a pris pour les vies. Je t'avertis, Mr. Green, tu.